Interview avec Bernard Crutzen, réalisateur du documentaire « Ceci n'est pas un complot ». Bonjour Bernard Crutzen, on vous souhaite vraiment la bienvenue et on vous remercie de tout cœur d'avoir vraiment accepté de répondre favorablement à l'interview qui va suivre et qui concerne un petit peu le documentaire que vous avez réalisé qui s'intitule « Ceci n'est pas un complot ». Un documentaire à la fois simple mais vraiment réaliste et qui est un documentaire d'investigation belge indépendant, sorti fin janvier de cette année sur les plateformes surtout de YouTube et Vimeo, et qui propose alors une réflexion tout à fait légitime sur le traitement médiatique de la crise justement Covid que nous vivons tous par la plupart des médias belges francophones du pays et qui a interpellé bon nombre de citoyens. Voilà. Merci. Alors avant peut-être d'entrer concrètement dans l'interview même, est-ce que vous pourriez nous faire l'honneur un peu de vous présenter en quelques mots librement, pour savoir un peu qui vous êtes? Ok, donc moi je m'appelle Bernard Crutzen, je suis originaire de Verviers, à l'opposé d'ici, et j'ai fait des études en communication sociale à l'IEX, qui est une école de journalisme, mais aussi de publicité, etc. J'ai commencé très tôt à faire des documentaires et des reportages, puisque j'étais sélectionné pour une émission qui s'appelait « La course autour du monde », ce que seulement les personnes un peu âgées se souviendront. Et voilà, donc à 20 ans, j'ai déjà fait un tour du monde avec une caméra, j'ai été dans beaucoup de pays, donc ça c'était ma première expérience. Puis j'ai continué mes études plutôt dans la publicité, et puis progressivement, je suis revenu à mes premiers amours qui sont le reportage et le documentaire. J'en ai fait entre 20 et 30 depuis que j'ai 20 ans. Et j'ai beaucoup aussi travaillé pour les institutions européennes pour faire des films corporate, institutionnels, mais ça j'ai complètement arrêté parce que je trouvais que c'était vraiment de la propagande. Voilà, je dirais que en gros, je suis totalement indépendant, c'est ce qui fait aussi ma force et ma faiblesse, c'est-à-dire que j'ai pas de structure derrière moi, donc je fais beaucoup tout seul comme un artisan. Mmh. Et c'est aussi ma force parce que du coup je n'ai de compte à rendre à personne, je fais mes approches et mes enquêtes tout seul et je, voilà, je dirais que je ne suis pas influencé par des pressions extérieures. D'accord, voilà. Merci. Voilà, alors peut-être par rapport justement à ce dernier documentaire que vous avez réalisé, quels étaient les éléments vraiment déclencheurs qui vous ont poussé et pensé et à réaliser ce film documentaire? En fait, c'est parti en début de la pandémie. J'ai trouvé mon père très très inquiet par ce qui arrivait. Donc, mon père est médecin, ma maman aussi, tous les deux, généraliste. Et mon père qui est quelqu'un de très cartésien, jusque-là en tout cas, extrêmement, plutôt scientifique dans sa démarche. Je l'ai vu petit à petit devenir très anxieux et perdre totalement le sens des réalités, des chiffres, etc. Tellement il était matraqué tous les jours à la télévision avec le nombre de morts, etc. Je me dis, il y a un truc pas normal là derrière tout ça. Donc j'ai voulu creuser, de savoir pourquoi le discours médiatique était aussi anxiogène. Et donc comme j'ai fait l'IEX, j'ai beaucoup d'amis journalistes, et j'aurais écrit une lettre ouverte à une douzaine d'entre eux en leur disant, mais les gars, qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous êtes en train de faire paniquer la population pour un virus qui quand même, oui, il y a beaucoup de morts effectivement, mais on exagère aussi, on ne parle que de ça. Enfin, j'ai vraiment le sentiment d'une machine médiatique qui se mettait en branle, et très peu de voix discordantes, très peu de gens pour rassurer, très peu de gens pour dire, mais on ne va pas tous mourir, c'est surtout les personnes qui sont très malades ou très âgées qui décèdent, les autres ont très peu de risques, etc. Donc, quand j'ai envoyé cette lettre, j'ai reçu une réponse d'un journaliste qui travaillait à RTBF qui m'a dit, mais oui, c'est ça, c'est un complot. Tout simplement parce que, il m'a dit ça de manière très ironique, tout simplement parce que je questionnais déjà sur le fait qu'il y avait peut-être autre chose derrière tout ça. Et voilà, et donc à partir du moment où tout de suite le mot complot est sorti, je me dis, mais non, c'est pas un complot, simplement on a le droit de se poser des questions sur ce qui se passe, parce que quand on voit que c'est complètement universel, que tous les pays, y compris les pays dont la structure des soins de santé n'a rien à voir avec le nôtre, je parle de pays d'Afrique comme le Sénégal, le Cameroun, c'est des pays pour lesquels c'est tellement différent que je vois pas pourquoi on veut appliquer les mêmes recettes que chez eux, enfin voilà. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ben non, c'est pas un complot, et donc, à partir de là, j'ai essayé de creuser pourquoi ce discours anxiogène, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière tout ça? Voilà, donc c'est parti pour répondre à votre question de l'inquiétude de mon père. Ma mère est un peu plus insensible à la pression médiatique, elle ne regarde pas les JT. Mon père, il s'enfuit trois JT l'un derrière l'autre. Donc voilà, et j'ai eu envie de le rassurer en lui disant, tu sais papa, il faut te méfier des médias, de ce qu'ils disent, parce que la réalité n'est quand même pas non plus celle-là. Ok. Et quels ont été les principaux obstacles que vous avez pu rencontrer lors de la réalisation de ce documentaire ? D'abord, quand on est indépendant, il faut trouver de l'argent, puisque c'était compliqué de proposer ce documentaire à la RTBF, puisque justement je critiquais la manière dont ils travaillaient. Mmh. Et donc il a fallu faire un crowdfunding, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc un financement participatif. Donc j'ai dû apprendre un autre métier, parce qu'en fait faire un financement participatif c'est presque un métier. Il faut une communauté, il faut beaucoup gérer les aspects communicationnels, etc. Il faut pouvoir se vendre, il faut pouvoir... Voilà. Donc ça a été la première difficulté, c'est de trouver les moyens de faire ce film. La deuxième, c'est que c'est très difficile d'avoir des informations fiables, c'est-à-dire que ce qu'on nous présentait comme des vérités absolues, en fait, il fallait essayer de chercher ailleurs, sur d'autres sources, voir si c'était vraiment... Je prends un exemple typique, quand j'ai commencé mon documentaire, il était absolument... proscrit et interdit d'imaginer que le virus ait pu être fabriqué dans un laboratoire en Chine, c'était un virus naturel, chauve-souris, pangolin, point barre. Et puis là, maintenant, un an après, tout d'un coup, on entend même l'OMS dire « Oui, mais peut-être quand même qu'il y a eu des manipulations. » Et je suis sûr que dans quelques mois, ça va sortir. Et donc voilà, à ce moment-là, quand je commence mon film, il est même hors de question, c'est complotiste de pouvoir imaginer que ce virus a été fabriqué en laboratoire ou manipulé en laboratoire. Il y a même des prix Nobel, comme le professeur Montagnier en France, qui a été... complètement blacklisté par les médias pour avoir osé dire ça, alors que c'est un scientifique de premier plan, un prix Nobel. Et donc les médias se sont fait les juges de gens qui sont plus compétents qu'eux. Ça continue encore maintenant avec la vaccination, c'est le même rouleau compresseur médiatique qui est enclenché. Voilà, donc la difficulté, ça a été de faire entendre à des gens intelligents, éveillés, qu'il y avait peut-être autre chose que ce qu'on nous montrait dans les médias. Et ça, c'était le challenge, c'est-à-dire de rester audible. C'est-à-dire, si j'allais trop loin, si je faisais un film comme Hold Up, en dénonçant un grand complot mondial, franc-maçon, je ne sais pas quoi, sataniste, etc., c'est inaudible. Et là, c'était fini. Je veux dire, il n'y avait même pas besoin que je fasse le film. Il aurait été disqualifié d'office. Donc, la difficulté pour moi, c'était d'être acceptable par des gens comme mon père, par des gens suffisamment éveillés pour que tout d'un coup, ils se posent les bonnes questions, quoi. Voilà. Et vous avez été soutenu par plusieurs personnes, enfin, comment oui. Vous avez trouvé du monde pour... Oui, le crowdfunding a très bien marché, donc financement participatif, on était très étonnés, donc on a récolté 75 000 euros, alors qu'on en demandait 30. Maintenant, c'est pas assez, 75 000 euros pour faire un film vraiment costaud, c'est pour ça que les médias m'ont beaucoup reproché certaines faiblesses, mais c'est des faiblesses que j'aurais pu éviter si on avait eu encore plus d'argent. J'anticipe peut-être une question qui viendra plus tard, mais si je devais refaire le film, je prendrais des journalistes vraiment d'investigation pour m'aider. Parce que moi, à la base, je suis un réalisateur de documentaires. Donc, je ne suis pas vraiment journaliste d'investigation. Il se fait qu'ici, si vous voulez, la définition que je donne du documentaire, c'est le cinéma du réel. Donc, c'est un côté cinématographique avec des mises en scène, avec de la musique originale, avec un scénario. Et puis, il y a ici, si vous voulez, c'est le cinéma du réel. Et le réel qu'on nous présentait ne me semblait pas tout à fait valable. Et donc, j'ai creusé par moi-même pour essayer de trouver quelle était la réalité. Et si j'avais eu un journaliste vraiment pointu pour m'aider à ce moment-là, ça aurait été plus facile. Ok. Alors, vous avez déjà abordé plusieurs fois hein, le mot « complot » dans le titre. Et c'est vrai que c'est un terme qui est assez fort et qui est assez souvent utilisé dans notre société à la connotation malheureusement péjorative. Mmh. Et oui, on voit vraiment ce que vous voulez dire par cela et l'intention de dominance. Voilà, merci. Et d'après vous, pourquoi les médias influencent-ils si souvent justement le traitement de l'information de façon à attiser vraiment un sentiment de peur, d'anxiété, comme vous dites, justement une peur panique auprès du peuple qui entend, qui voit tout ça? Alors la première réponse qui est la plus simple, qu'on m'a fait plusieurs fois, bah, tu sais très bien que les médias veulent vendre leurs magazines et leurs journaux, et donc ils doivent faire peur aux gens parce qu'on sait que la peur fait vendre. la peur, le sexe, enfin je veux dire, on connaît tout ça dans le métier de journaliste, on sait très bien que quand on va parler de violence, par exemple une manifestation ne va attirer les médias que s'il y a des casseurs. Et donc si vous faites une manifestation pacifique, vous allez avoir trois lignes, si tout d'un coup ça débouche sur trois voitures retournées, ben, vous allez avoir les gros titres. Donc malheureusement les médias sont très friands du sensationnel, de plus en plus, parce que maintenant le modèle économique qui consistait à faire un bon travail journalistique pour vendre un bon journal a été complètement mis à mal par le modèle numérique, qui fait que maintenant même des journaux sérieux, des magazines qui ne sortaient qu'une fois par semaine, doivent faire des clics tous les jours pour que les annonceurs, c'est-à-dire la publicité, disent « Ah, on va mettre de la publicité sur le site du Vif parce que il y a un jour... C'est beaucoup regardé. Pourquoi c'est beaucoup regardé? Parce que les gens partagent des titres, etc. Dans le film, j'ai un exemple très clair, c'est la gamine de 3 ans et demi qui est décédée du Covid. Ça a été annoncé tel quel et tous les gros titres, c'était un enfant de 3 ans mort du Covid. Donc j'ai trouvé son papa, elle n'est pas morte du Covid, elle est morte d'autre chose, le Covid est venu par-dessus. Et ça, c'est typiquement la méthode qu'utilisent les journaux. Donc voilà, ils créent une angoisse dans la population. Moi, j'ai vu des mamans ne plus oser mettre leurs enfants à la crèche à ce moment-là, parce que tout le Covid s'en prend aux enfants de 3 ans, ce qui est totalement faux. Mm-hmm. Je veux dire, au niveau statistique, c'est insignifiant. On est à 0,00% d'enfants décédés du Covid, et encore, il faudrait prouver que ce soit Covid. Donc on voit bien comment les médias ont une obligation de faire du clic, de vendre des journaux, et pourquoi ils propagent la peur. Ça, c'est la première définition, je dirais, qu'on apprend même dans les écoles de journalisme. On appelait ça le mort au kilomètre. C'est-à-dire que si vous avez 1000 morts en Chine ou un mort dans votre rue, vous allez être plus intéressé par le mort dans votre rue, vous allez acheter la gazette locale. Après, moi, il m'a semblé que ce n'était pas suffisant. Ça peut jouer pendant 2-3 mois, mais à un moment, les gens vont se lasser. Donc si ça continue encore maintenant, si toujours maintenant, on parle de variants, de mutants, de tout ça, on nous dit, ça reprend en Inde, ça reprend en Angleterre, etc. Pour moi, c'est qu'il y a un autre. Qu'il y a quelque chose d'autre là derrière. Et donc je suis en train de travailler sur un prochain documentaire. Mon idée, c'est d'aller plus loin maintenant et de voir qu'est-ce qui est derrière tout ça, c'est-à-dire quel est l'agenda. À la fin de mon film, je le disais déjà un petit peu en disant, est-ce qu'en fait tout ça n'est pas une formidable opportunité pour les gens qui rêvent de peuple sage et de pouvoir fort, c'est-à-dire de pouvoir imposer un modèle de société que je qualifierais de à la chinoise, c'est-à-dire où on est très surveillé, où on voit bien, il n'y a plus de manifestations, il n'y a presque plus de loisirs, dans tout ce qu'on fait, on est tracé. Vous voulez aller à la piscine, vous devez réserver à l'avance. Avant, vous mettiez votre maillot, vous aviez nager. Maintenant, vous devez donner votre adresse mail. J'étais dans un restaurant hier, je devais scanner mon QR code, j'ai reçu le lendemain la facture sur ma boîte mail. Enfin, voilà. L'objectif peut-être qui est derrière tout ça, derrière cette pandémie, en tout cas, je ne dis pas que c'est l'objectif premier, mais en tout cas, ce qui va en découler, c'est qu'on va se retrouver dans une société extrêmement surveillée, extrêmement hygiéniste, où on n'a plus le droit de prendre de risques, on n'a plus le droit de mourir, où on n'a plus le droit de se prendre dans les bras, etc. Donc je suis très inquiet de ça, et je pense que la campagne de vaccination, par exemple, qui est maintenant en route, je pense que son objectif, ce n'est pas tellement la vaccination, c'est surtout le coronapass, donc c'est-à-dire que tout le monde, tout d'un coup, va être tracé dans quoi qu'il fasse. D'ailleurs, la Commission européenne n'a pas appelé ça le coronapass, ils appellent ça le Green Digital Certificate. Dedans, il n'y a pas du tout le mot santé, il n'y a pas le mot vaccin. Ça veut dire que pour moi, l'objectif à moyen terme, c'est d'imposer à tous les citoyens d'avoir un outil sur lequel il va mettre toutes ces informations. Ils le disent déjà à mi-mois, ils disent « Ah, c'est pratique parce que vous pourrez mettre tout votre dossier médical, est-ce que vous êtes en ordre de sécurité sociale, est-ce que vous avez payé vos impôts, est-ce que vous êtes un bon citoyen, est-ce que vous ne venez pas d'un pays, etc. » Donc pour moi, on est dans une société on nous prépare à une société extrêmement contrôlante, donc moi je ne veux pas, en tout cas, je me bats contre ça. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, et puis de toute façon, en tant que citoyenne, moi, de toute façon, personnellement, je me pose aussi cette question. Cette question, elle se développe de plus en plus aussi au niveau du peuple. Le peuple commence aussi à se poser toutes ces questions-là, et c'est bien aussi de pouvoir justement en parler et de mettre des mots aussi sur le ressenti qu'ont les gens. Et voilà. La question, justement, d'un débat ouvert autour de cette crise sanitaire et des conséquences qu'elle a engendrées, notamment dans notre quotidien à tous, a bon nombre de fois déjà fait un objet, d'une demande appuyée de la part d'experts vis-à-vis des politiciens, mais ça n'a jamais pu avoir encore lieu. Et comment vous expliquez ça, selon vous? Pour moi, c'est la plus grande question, c'est pourquoi ce manque de pluralisme, pourquoi ce manque de point de vue, pourquoi on n'invite pas des gens, on les a un petit peu invités, c'était l'été dernier, en mai-juin, on a entendu Gala, La Terre, Rentier, on les a appelés rassuristes quand la deuxième vague est arrivée, ils ne pouvaient pas deviner que la seconde vague serait aussi violente, donc du coup on les a complètement disqualifiés en disant « ouais, ces gens racontent n'importe quoi », et ce sont toujours les mêmes, les Van Rams, de Gust, enfin c'est toujours les mêmes experts qui influencent le gouvernement. Là je trouve qu'il y a déjà un truc très bizarre parce que la Belgique a quasiment les plus mauvais résultats en termes notamment de mortalité par rapport au nombre d'habitants, on est vraiment en bas du tableau et pourtant on n'a pas remplacé l'équipe. Je prends un parallèle avec le foot, si Martinez voit que ses joueurs ne sont pas bons et n'ont de mauvais résultats, il les remplace par d'autres, il a un banc. On a un banc de scientifiques en Belgique, on a des réserves de gens extrêmement compétents et on ne les appelle pas. Donc pour moi déjà ça c'est très étrange. Pareil avec les médias où on voit qu'ils ont disqualifié systématiquement toute parole dissidente. Et ça c'est très problématique parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a des milliers de cartes blanches, des gens qui ont essayé de s'exprimer. Moi-même, j'aurais préféré être invité dans des débats télévisés. Ça m'a été refusé par la RTBF, par RTL, par tous les grands médias. Il y a eu 2-3 petites initiatives à tourner ici à nos télés. C'est le seul vrai débat que j'ai pu assister à LN24, qui est une petite chaîne. Donc on sent très bien que c'est les petits médias qui ont encore un peu de liberté, qui ont pu... avec qui j'ai pu discuter, les autres c'est blackout total. Et donc je suis inquiet pour, non seulement pour la démocratie, mais surtout pour la liberté d'expression, la censure. Donc moi je me suis encore fait censurer une vidéo il y a 2 jours, donc j'ai posté une vidéo de jeunes qui voudraient avoir le choix et qui en ont marre de la pression qu'on met sur eux pour la vaccination. « Ah, va te faire vacciner », etc. Ils ont entre 16 et 18 ans, et c'est incroyable, à l'école, ouais, peut-être que pour rentrer à l'école en 7 ans, tu devras te faire vacciner, pour partir, pour aller au concert, etc., tu vas devoir te faire vacciner. Le gamin, il n'a pas envie de se faire vacciner, il trouve que les risques sont trop importants, il n'a aucun risque d'attraper le Covid, mais il a probablement des risques d'avoir des soucis avec la vaccination. Et donc il dit ça, simplement, il dit « moi je trouve qu'on devrait avoir le choix, je ne vois pas pourquoi, on me dit que c'est une question de solidarité, mais si mes grands-parents ou les gens à risque sont vaccinés, en quoi est-ce que je peux les contaminer ?» Donc ça n'a pas de sens, c'est un garçon intelligent, il se rend bien compte de quelque chose qui ne va pas. La vidéo est restée 10 minutes sur YouTube. De les supprimer directement. Ouais. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit, simplement, même des jeunes qui ne sont pas influencés, tout ça, de donner son avis. Alors, vous dites à un moment précis dans votre documentaire que vous êtes rassuré de ce que la presse s'ouvre aussi enfin au pluralisme des opinions. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis? Est-ce que avec le recul, c'était un faux espoir. Ah. C'est-à-dire que ça a duré quelques mois, comme je vous disais, c'était au moment où tout d'un coup ils invitaient Pierre-François Latterre ou d'autres rassuristes qui avaient un discours un peu différent. Et puis ils se sont refermés comme une huître à la deuxième vague en disant « Vous voyez, ces gens se sont trompés, on ne les écoutera plus jamais. » Alors que d'autres s'étaient trompés aussi, mais pourtant Emmanuel André qui avait dit « Le masque n'est pas du tout nécessaire », puis même qui a dit son contraire 3 mois plus tard, mais on continue à les entendre. Pour répondre à votre question, ils se sont entrouverts pendant un moment, et puis ça s'est refermé, et maintenant c'est de pire en pire, c'est-à-dire que sur la vaccination, la moindre personne qui émet le moindre doute, la moindre question, c'est disqualifié directement. Donc je pense que les médias se sont complètement refermés. Alors pour moi, c'est de nouveau un truc que je voudrais creuser, mais pour moi, ils participent à une communication gouvernementale unilatérale, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de poser des questions, et ça c'est très intriguant. Est-ce qu'ils touchent de l'argent en dessous, est-ce qu'ils sont... je ne sais pas, c'est mystérieux et très inquiétant. Merci. Alors, après la réalisation et la diffusion du documentaire, quelles ont été les principales réactions, d'une part des médias du mainstream, et aussi d'autre part celles du grand public? Est-ce que vous avez eu des retours? Quelles ont été les principales différences? Qu'est-ce que vous en avez pu déduire? C'est très contrasté. Donc, en gros, les grands médias ont flingué le film, d'abord en le comparant à Hold Up. Le film est sorti un vendredi soir, dimanche après-midi, c'était déjà taxé de complotiste par un psychologue social de l'ULB qui s'appelle Olivier Klein, donc il a démontré en quelques tweets sur Twitter pourquoi le film était complotiste. À partir de là, une des intervenantes de mon film a pris peur, elle a dit « mais moi je ne voulais pas participer à un film complotiste », donc elle a pris ses distances, Marie Gibert, et donc c'était d'un point de vue médiatique le gros lâchage classique, je dirais, quand vous dites les choses qui ne plaisent pas, d'autant plus quand vous attaquez aux médias. Voilà. Donc il y a très peu de journalistes, quelques-uns quand même, je dois reconnaître que je ne peux pas faire un amalgame total. Le plus intéressant, par exemple, c'est dans Vers l'avenir. Il y a eu 4 articles dans Vers l'avenir, il y en a 3 qui sont en défaveur du film et un qui est plutôt positif. Non, 2 qui sont plutôt positifs. Vincent Dubois a tourné, par exemple, il a fait un papier beaucoup plus soft que son rédacteur au niveau national. Donc il y a eu quelques timides voix qui ont essayé de dire ouais, enfin, il y a quand même du bon à retirer de ce film, mais globalement, il s'agissait de le disqualifier. Et de disqualifier de manière qui est assez classique dans les médias, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent très peu au message de ce que j'ai voulu dire, ils s'intéressent plutôt au messager, en disant oui, Crutzen, il a commis des erreurs, il a dit ça et ça. Par exemple, tous les médias, sans exception, m'ont attaqué sur le fait que j'ai dit la Suède a tenté l'immunité collective. Je ne dis même pas que la Suède a réussi, je dis même pas que. Je dis juste qu'elle a tenté l'immunité collective. Le simple fait d'avoir dit ça, mais tous les médias à l'unisson, que ce soit l'Écho, Le Soir, La Libre, l'RTBF, tout le monde est venu. Ils racontent n'importe quoi, la Suède n'a pas réussi. Voilà. Par contre, sur la fin du film, où j'appelle à un sursaut démocratique, où je demande aux journalistes de faire leur travail, de vraiment de s'interroger sur ce qui se passe, de voir les dérives que ça a permis, de voir comment. Enfin, la répression des pauvres gens qui allaient balader leur chien, qui se prenaient 350 euros d'amende, des trucs incroyables, dont j'espère un jour on se rendra compte que c'était absurde. Là, ils n'ont pas fait leur boulot. Personne n'a relevé cette partie-là du film. Personne, par exemple, au moment où je dis un truc faux, je me dis putain, là, je vais me faire attaquer. Quand je dis c'est un mensonge d'État de dire que les tests PCR sont fiables, c'est un mensonge d'État. Là, il n'y a personne, pas un politique, pas un journaliste qui me reprend là-dessus parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils savent qu'on ne peut pas, sur base d'un test PCR qui est assez peu fiable, obliger les gens à faire une quarantaine. Enfin, toutes les mesures sont prises en fonction des résultats d'un test PCR qui ne dit rien de la contagion. Parce qu'il est poussé de manière beaucoup trop. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce test est tellement poussé qu'il détecte tout et n'importe quoi. Et donc, on ne peut pas, sur base d'un test positif, mettre les gens en quarantaine, les obliger à porter le masque, fermer les écoles, fermer les clubs de foot, interdire les stades. Donc c'est un mensonge. Et sur ce point-là, qui pour moi était quand même très osé, j'ai pas été questionné, retenu, rien. Ni politiquement, ni scientifiquement, ni médiatiquement. Donc c'est la preuve qu'il y a un malaise, quoi. Il y a quand même des choses qui ont été dites, qui n'ont pas du tout été critiquées, et des détails qui ont été fortement critiqués. Et justement, au niveau du grand public, vous avez reçu des encouragements, des critiques, oui, donc, des réflexions. C'est très contrasté parce que les médias. Alors, il y a eu, si vous voulez, moi je m'attendais à une réaction politique, néant. Il n'y a rien, pas un politicien, pas un parlementaire, pas qui m'a appelé, qui m'a. Rien. Donc, mais depuis le début de la crise, ils sont totalement absents. Je ne sais pas pourquoi on a voté pour des parlementaires parce qu'ils sont inexistants, quoi. Donc, et même au niveau politique, j'ai pas eu un ministre quoi qui a été vexé que je dise que de gros ceci ou que Van den Bosch, rien. Donc, il y a eu des médias qui ont globalement, je dirais, à 80% flingué le film. Et puis, un fort soutien populaire. Moi, j'ai des milliers de chutes inondées de mails encore dernièrement, de soutien de la population, de gens qui disent vous avez mis le doigt dans le mille. Évidemment, ils sont mal à l'aise. Fatalement, ils vous critiquent puisque vous avez dit ce qu'on pense tout bas. Le nombre de gens, surtout quand le film est sorti, qui m'ont dit merci d'avoir dit tout haut ce qu'on pense tout bas depuis tellement longtemps, pas depuis le début de cette crise. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de dire, presque, je vous avoue qu'il y a des moments où c'était un peu dur, surtout pour ma compagne qui voyait que je me faisais flinguer. Moi, je connais un peu les médias, donc je sais comment ils fonctionnent. Mais quelqu'un comme elle, qui est assistante sociale, qui n'est pas du tout là-dedans, là, elle me voyait son homme se faire flinguer partout. Et donc, elle était inquiète, mais alors, d'autre part, j'avais un soutien merveilleux de la part de des milliers de personnes qui m'ont écrit et tout ça. Donc ça, c'est très bien. Alors, plus d'un an, justement, après la réalisation de ce documentaire, pensez-vous que l'intention de susciter, justement, une réflexion légitime sur le traitement de l'information auprès des citoyens est enfin activée? Je dirais oui, chez certains citoyens, ça a déclenché probablement une envie d'en savoir un peu plus ou de se méfier un peu plus du discours officiel. Donc de ce côté-là, c'est positif. Maintenant, je vois quand même encore énormément de gens très dociles, ne pas se poser de questions, obéir un peu comme les moutons à ce qu'on leur demande de faire. Je prends un exemple, moi je me suis battu, j'écris au ministre-président de la région bruxelloise, j'ai essayé d'avoir des interviews sur le port du masque en extérieur, dont on sait très bien, il y a beaucoup d'études qui montrent que ça ne sert à rien. Et pour moi, le seul objectif de maintenir ce masque, c'est que les gens continuent à avoir peur et donc se réfugier vers le vaccin. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la communication, de la manipulation de l'opinion plutôt qu'une vraie, un vrai bénéfice pour la santé. Mais donc on a réussi à obtenir ça, donc depuis 15 jours maintenant, il n'y a plus de masque obligatoire. Et pourtant, il y a des gens dans la rue qui le mettent. Oui. Donc on voit très bien comment l'habitude a été prise et comment, quand on fait peur aux gens, après, ils peuvent changer leurs habitudes. Le télétravail, ils voient des gens qui n'ont plus envie de retourner au boulot. Finalement, ça leur convient très bien, le télétravail. Donc on voit très bien comment cette crise a pu permettre de faire avancer un certain nombre de dossiers. Des gens qui tiennent à ça. Donc voilà, il y a une partie de la population qui était, je dirais, en balance ou un peu sceptique, qui maintenant a compris qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Mm-hmm. Et mais malheureusement, la grande majorité, je dirais 70 à 80%, c'est difficile à dire, continue à respecter strictement ce qu'on leur dit de faire. Et voilà, donc c'est aussi un échec pour moi, dans le sens où j'avais espéré que ça allait. En tout cas au niveau des médias, réveillés. Et à partir du moment où les journalistes ne se réveillent pas, ben, les gens qui le disent ne se réveillent pas non plus. Mm-hmm. Donc moi j'avais espéré voilà, que certains éditoriaux se posent de vraies questions. Ils ont un petit peu remis en question leur discours anxiogène. À un moment, l'RTP a dit on ne fait pas plus de 50% du JT sur le Covid. C'était juste après mon film. J'ai un copain qui est abonné au soir qui m'a dit oh, on a quand même senti un petit changement de ton. Mais ça a été très vite abandonné à cause de la campagne vaccinale, où ils sont tous comme un seul homme derrière cette campagne. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je vous remercie. Et justement, si vous deviez maintenant alors faire, à l'heure actuelle, le documentaire, qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous feriez différemment? En fait, j'ai remarqué que les médias m'attaquaient surtout sur des questions, je dirais, plutôt factuelles. Et je prendrais un journaliste vraiment dont c'est le métier d'aller tout vérifier au niveau des informations. Parce que moi, je suis plutôt un réalisateur documentaire, j'ai une approche un petit peu plus imagée, je vais dire. Donc moi, j'aime bien faire des films qui sont agréables à regarder. Donc je mets beaucoup d'attention sur le fait que la musique soit chouette, que ce soit joli à regarder, qu'on soit entraîné. Je chemine un peu avec les spectateurs, je les prends avec moi parce que je crois que je suis quelqu'un d'assez lambda, enfin je veux dire, je ressemble aux gens que je fréquente et donc ils s'identifient peut-être à moi et donc dans les questions que je me pose. Mais je ne suis pas un journaliste pointu, je n'ai pas les moyens d'aller fouiller, etc. Donc voilà, si je devais refaire une suite ou refaire le film, je prendrais un ou deux journalistes d'investigation, vraiment des gens qui vont creuser les dossiers, pour ne pas dire de bêtises parce que j'ai été attaqué sur quelques faiblesses, on va dire, du film. Merci. Alors, on a vu avec cette crise toutes les libertés aussi qu'ont perdu les citoyens. Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain pour retrouver, récupérer ou continuer d'avoir nos libertés en toute légitimité? Alors, c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup en ce moment parce que je pense que on est arrivé à une société où chacun, en fait, se dit bon, « je vais aménager ma vie pour que ça ne me pose pas trop de problèmes, cette histoire. » Et donc, chacun fait des petits arrangements pour que ça reste viable. Et pour moi, ça, c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'on va s'habituer à cette espèce de chape de plomb, de restrictions, etc. On le voit très bien au niveau des manifestations, par exemple. Quand le peuple n'était pas d'accord sur un dossier ou l'autre, bah, il y avait 100 000 personnes dans la rue. Je repense à Julien Mélissa, etc. Mmh. Donc on a vu des mouvements citoyens très puissants, où les agriculteurs de toute l'Europe qui débarquent à Bruxelles avec leurs tracteurs, ça fait changer les politiques. Là, on ne peut plus se rassembler. Donc on sent très bien que les gens, à cause de la peur, se sont renfermés un peu sur eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut que chacun réfléchisse personnellement à ce qu'il ne peut pas laisser passer. Je prends au niveau individuel, quand on demande à un policier de faire quelque chose dont il sait que c'est un petit peu borderline, ben il doit, pour moi, dénoncer, dire ben « non, ça ne peut pas faire, chef, ça c'est pas correct. » Je prends des institutrices, il y en a quelques-unes courageuses dans les écoles en disant « mais moi, c'est hors de question, je donne cours à des enfants masqués, c'est pas possible. » Et donc, il y a quelques courageuses, mais elles dégustent. Hein. Mmh. C'est la même chose dans les hôpitaux. Et donc, je pense qu'il faut que chacun individuellement se pose la question de ce qu'il peut accepter, parce qu'il faut savoir qu'on est tous un maillon de la chaîne, et que s'il y a plusieurs maillons qui se brisent, bah peut-être que la chaîne elle va arrêter de nous entraîner. Et donc je pense que moi j'en appelle à la conscience de chacun, et des journalistes aussi, et surtout parce que c'est le métier que je connais, mais même des médecins, le nombre de médecins qui m'ont dit, ouais, tu sais, je le sais qu'il y a des trucs très bizarres, mais je peux rien dire. Mais si tu peux dire quelque chose, juste, pardon d'expression, mais vas-y, prends ton courage à deux mains et dis-le. Donc il y a vraiment des tensions énormes au niveau de l'ordre des médecins en Belgique, parce qu'il y a des médecins qui sont obligés presque de forcer leurs patients à la vaccination, alors qu'ils ne sont pas nécessairement d'accord. Il y a des choses très bizarres qui se passent. Moi, je suis au courant que certains médecins ne sont pas vaccinés. Ils reçoivent un certificat de vaccination, mais en fait, ce n'est pas un vaccin qu'ils ont reçu, c'est du sérum physiologique. Pour les calmer, pour dire « oui, ok, vous, on va vous foutre la paix, mais continuez à dire à vos patients qu'il faut se faire vacciner ». Donc, il y a comme ça une série de petites lâchetés, de manque de courage de la part de toute une série d'individus qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui n'osent pas pour ne pas se faire virer. Et je comprends, hein, vous êtes débutant, vous êtes en début de carrière, alors journaliste, maintenant c'est tellement rare les places qu'un jeune journaliste, il ne va jamais oser dire à son rédacteur chef « moi, chef, je ne suis pas d'accord ». Je vais vous donner un exemple très clair. Il y a eu une émission qui s'appelle Investigation qui était faite sur le complotisme. Donc ça s'appelle Du doute au complotisme, comment le doute amène au complotisme, etc. Dans lequel figure mon interview, ils ne m'ont pas loupé, à l'RTBF. Et il y a un ingénieur du son qui, au moment de préparer le matériel pour aller interviewer quelqu'un, dit ah, moi je ne suis quand même pas d'accord, la façon dont vous traitez ce sujet, je trouve que quand même vous y allez trop fort, etc. Il a été viré de la RTBF pour avoir dit ça. Donc on sent très bien que la pression est énorme et qu'il faut que chacun individuellement à notre niveau. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de courage. Et je prends par exemple les artistes belges, on ne les a pas entendus du tout. Est-ce qu'on a entendu un seul artiste? Pourtant ils ont une chambre d'écho extraordinaire, même des rappeurs qui sont en général des gens plutôt révoltés. Les blacks, la machin, qui sont très énervés pour certaines questions. Et puis là, tout d'un coup, on n'a entendu personne. Il n'y a pas un qui a dit, mais écoutez, arrêtez de nous embêter avec cette histoire. On n'a pas entendu, enfin, même au niveau des gens du cinéma, l'Oreca, ils ont quand même été très frileux. À un moment, ils avaient dit, on va ouvrir le 1er mai, quoi qu'il en coûte. Le gouvernement était très habile. Oui, enfin, dans 8 jours, c'est pas mal non plus. Donc, on sent qu'il y a des démissions et des petites peurs personnelles. Chacun veut préserver son petit intérêt personnel. Et ça, c'est très dangereux. Parce que pour moi, quand on relit l'histoire, c'est comme ça que la Shoah s'est installée. Je veux dire, c'était chacun. Moi, je ne fais que fermer la porte du wagon. Moi, je ne fais que pousser son bouton. Et donc, chacun a une petite part de responsabilité qui lui paraît insignifiante ou minime. Et donc, il ne se rend pas compte qu'il fait partie d'une grosse machine qui avance, quoi. Donc, voilà. Et d'un point de vue collectif, malheureusement, on ne peut plus se rassembler. Je pense que c'est par hasard si les lieux de culte ont été fermés. Parce qu'on sait que c'est là aussi que les gens retrouvent de la... qui vibrent ensemble, qui peuvent s'entraider, puis échanger, etc. Moi, quand j'étais jeune, sur le parvis des églises, on faisait le monde. Dans les universités, sur les campus, à la mosquée, probablement aussi, les gens parlent, se soutiennent, etc. Tout ça a été cassé. On sent bien qu'il y a une volonté, enfin, on sent bien. Je pense que malheureusement, il y a une volonté de que les gens ne puissent plus se regrouper, et donc on doit chacun nous lutter individuellement. C'est très dur. Moi, j'ai des témoignages d'une institutrice qui a dit j'en peux plus, quoi. C'est très dur, quoi. Mais bon, je garde espoir quand même. Oui, il faut. Voilà.